Assume, que vou mais! Sous terre, j'ai l'accent d'alpha, la vie de ma mère. Les jours je les bois, les nuits je les cache. Même l'angle de ma mort a le permis, des canis ont relevé les plombs. Si tu le sais, réponds. Plusieurs messages sur PGP, en effet, ça bombarde à fond. Sauté au plafond, j'ai fait, tu t'es fait des peines et tu fonds des peines et fonds. Merde, le génie dans la bouteille, pourquoi tu vas fou, je crois que tu parles de voisin. C'est moi le grand appel, on a tourné petit frère, je suis même capable de présenter ton voisin. C'est pas assez pécho, seul dans l'audi, ils veulent pécho. Appelle Yabou, ma gueule, c'est des sodis. Craque en réchaud, c'est pas assez chez saut, des condés. Et aussi, c'est fait mobile, t'as les histoires. On fait neiger, on fait pleuvoir. Pas responsable, je suis influençable. Même sa mère la juge m'a interdit de me voir. Il arrive derrière, mais j'ai bureau. 9 mm coché sous le bureau. 9, 3, 4 milliards. Alors on est 6 milliards comme les mecs des muraux. Tiens tout. Moi j'étais, Ne me juge pas, je marche à tes taux dans les rues de Ripa. Marche avec moi, ne panique pas. C'est un congé, quand ça tire, je ris pas. Je suis devant toi, on peut j'avance pas. Mais le jeu me manque et tu danses pas. Si tu décolles, retourne à l'école. Plus rien m'étonne, puis les potes que j'en vois. Tu peux plus voir il, tu peux pas seul. Ils trompent l'arme sur les joues des remparts. Je suis pas une femme, je fais pas la queue. Je fais du papier, carte, coke, shit, deux. Tu veux ma boîte, mais à 32. Si je sors ton cas, moi la sauve qui veut. Depuis petit peu, je fais ce que je peux. Du violet. Et pas un petit peu, toi là j'en veux, petit morveux, je sais d'où je viens donc j'ai ce que je veux. Moi j'étais à traquer.